Alors, maintenant, on va passer du coup à la première fois qu'on fait ce format-là. Donc, on va récupérer toutes les, enfin, on a récupéré des questions qui nous ont été posées et on va essayer d'y répondre tous ensemble. Donc, je vous invite à venir vous asseoir pour qu'on traite les questions ensemble. Plus on sera nombreux, plus ce sera intéressant et plus ce sera riche. Alors. Il y a plusieurs questions, donc ce qu'on va faire déjà par rapport au petit groupe qu'on est, je vais vous lire la première question et vous allez dire si vous avez envie ou pas qu'on débatte de celle-là et si vous en avez pas envie, on passe à celle d'après. Alors, première question. Comment rassembler l'humanité sous un seul drapeau commun contre le néolibéralisme? Est-ce qu'on la traite? Bah, ceux qui sont pour qu'on la traite. Bon, bah, vous êtes contre alors ou... Oui ? Vous voulez qu'on la traite ? Enfin, on la traite. Alors, qui a envie de commencer à dire quelque chose là-dessus ? Trouver un drapeau commun pour lutter ensemble contre le néolibéralisme. Ben, je pense que Nuit Debout, ça peut être un drapeau commun, tout simplement, puisque Nuit Debout est une réponse aussi au libéralisme, et que ça se répand dans le monde, enfin, surtout en Europe, mais bon, ça s'étend. Donc voilà, un exemple de... dénominateur commun qui pourrait être une réponse à un élément de rassemblement face au néolibéralisme. Bah déjà, ça pose problème parce qu'il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas du tout dans Nuit Debout tout en étant anti-libéraux, notamment beaucoup d'anarchistes, de gens qui se qualifient révolutionnaires, qu'ils le soient ou pas après dans la pratique, c'est une chose, mais en tout cas qui trouvent que Nuit Debout a un caractère beaucoup trop citoyenniste et qui du coup ne viennent pas ou sont très sceptiques par rapport au mouvement. Ils trouvent qu'on parle beaucoup, qu'on est dans une perspective assez légale, assez, enfin, de comment dire, de pérennité du système en changeant quelques données, mais pas dans un bouleversement total du système. Qu'on est encore un peu trop tiède, un peu trop raisonnable. Voilà. Donc déjà, ça exclut déjà beaucoup de monde. Donc ça pose problème, voilà, ça fédère pas tout le monde en fait. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, hein? Bon, je rebondis en attendant. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la question. Enfin, dans la question, il y a le terme de commun, qui justement est pas mal débattu ici à Nuit Debout. C'est-à-dire, déjà par rapport aux gens qui viennent, est-ce qu'on peut parler de commun? Et ensuite, entre les gens qui viennent et ceux qui sont à l'extérieur, est-ce qu'on peut encore parler de commun? Et il me semble, enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein, mais que le problème de commun, c'est que ça gomme tous les conflits qui sont justement extrêmement intéressants. Parce que, alors extrêmement intéressants, qui demandent beaucoup plus de temps, qui sont justement, qui sont l'aspect politique, d'ailleurs, de la chose. Parce que si on était dans l'aspect uniquement du commun, bon, il y aurait finalement pas à faire de politique, d'une certaine façon. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rebondir ou quelqu'un d'autre. Là, je rappelle donc pour ceux qui viennent d'arriver, le format là, actuellement, c'est qu'on traite de la question comment, je me rappelle plus la question, comment rassembler sous un même drapeau ou sous un drapeau commun tout le monde contre le néolibéralisme. Enfin, ou comment rassembler les gens sous un drapeau commun contre le néolibéralisme. Et donc l'idée, c'est qu'on le traite ensemble. Il n'y a pas d'expert pour y répondre, et donc on a lancé le débat là-dessus. Oui, alors moi je par rapport à la question du commun et par rapport à la question le fait que Nuit Debout serait étiqueté comme quelque chose de qui pourrait pas représenter ce commun. Moi je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que le concept les valeurs qui portent Nuit Debout sont des valeurs qui permettent justement à toutes les singularités de pouvoir dialoguer sans pour autant être d'accord. Mais au moins, on est d'accord sur des principes généraux qui nous permettent de dialoguer. Qu'on soit anarchiste, libéral, ou ce qu'on veut, quoi. Et donc, et cette idée-là que la foule peut se rencontrer dans un endroit et partager simplement son opinion, sans pour autant être d'accord, est en soi un concept porteur de valeurs, d'égalité, égalité de parole, égalité de temps de parole, égalité d'accès à la parole publique, de liberté, on est libre de penser ce qu'on veut, de gratuité, de désintéressement, qui sont des valeurs qui vont à l'encontre du libéralisme. Et donc à partir et l'anonymat aussi, on n'est pas identifié, on est là, on est anonyme. Et donc toutes ces valeurs-là sont nouvelles en fait pour moi dans l'humanité et sont porteurs de quelque chose de nouveau qui pourrait être commun finalement à toutes les sociétés, à toutes les religions, à toutes les civilisations, sans pour autant être étiqueté comme une tendance ou une idéologie particulière. C'est simplement un espace où les gens se rencontrent. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui ? Et je vous invite à vous asseoir, comme ça les gens vont pouvoir venir et entendre au maximum, s'il vous plaît. Moi je pense qu'il y a une question, au-delà de Nuit Debout finalement, c'est une question d'éducation. Sur la Nuit Debout, on voit bien qu'on a du mal à vraiment rassembler, à vraiment avoir un mouvement qui va au-delà des personnes qui viennent depuis le début du mouvement, en fait. Voir la communication qui passe sur les médias, c'est plutôt que ça s'étiole, qu'il y a de moins en moins de personnes, que le global debout, c'était une belle idée, mais qu'au final, le rassemblement international, bah, c'était quand même très, très faible. Et la question, c'est pourquoi, pour moi, par rapport à la question originelle, comment est-ce qu'on rassemble les personnes ? Avant de se poser la question de comment est-ce qu'on les rassemble, c'est comment est-ce qu'on donne aux personnes l'envie vraiment de se rassembler dans de plus grandes proportions, quoi. Comment est-ce que on... Alors, je pense que ça, c'est une des réponses. C'est l'éducation populaire, offrir aux personnes la possibilité de s'éduquer. Mais on voit bien que le public visé n'est pas forcément ici. Donc, pour moi, si on veut répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de comment est-ce que on amène ces préoccupations, cette éducation, en dehors des cercles qui sont déjà là sur Nuit Debout, qui sont déjà éduqués par rapport au néolibéralisme, par rapport à ce que ça implique, et qui ont conscience de toutes les luttes et qui sont déjà ultra conscients. Donc comment est-ce qu'on éduque en dehors de ces cercles ? Comment est-ce qu'on passe le message sans avoir le soutien des médias ? Oui, je rebondis parce que j'ai l'impression que justement dans ce que tu disais, il y avait quelque chose qui peut aussi répondre à ça, c'est considérer justement que l'espace est commun. Et donc du coup, si c'est pas que République, voilà, si ça peut exister dans tous les espaces, même campagne, enfin voilà, pas forcément un espace, pas une place forcément, et que tous les espaces sont communs, là du coup, et remettre en place du coup la rencontre. Finalement, et là, ce serait de l'éducation populaire tout le temps, parce que les gens se rencontrent parce qu'ils occupent un espace qui est commun, peut-être. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir sur cette question ? Non ? On passe à une question suivante. Du coup, on l'a peut-être pas épuisée, mais bon, s'il n'y a pas de bon, question d'après. Alors. Alors c'est une question longue. Il faut suivre du début à la fin de la question. Sortir notre argent des banques ou tout transférer vers des banques plus proches de notre vision de la société. Est-ce une action qui aurait du poids pour se faire entendre ou bien est-ce trop risqué pour les structures de nos sociétés dont on ne souhaite pas non plus le chaos ? Est-ce que vous voulez que je répète la question ? Non, c'est bon ? Alors, allez-y. Alors, je pense... qu'effectivement, il y a un problème de structure. Le jour où on écroule une banque, on crée un précédent qui est très embêtant. Si c'est une petite banque, c'est pas important. Si c'est une banque moyenne, déjà, ça pose des problèmes. Si c'est une banque d'État, c'est le contribuable qui doit mettre la main à la poche. Donc, faut y réfléchir, bien sûr. Mais de là à ne pas mettre en place des systèmes qui les contrôlent, car je ne sais pas si je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu deux de ces mémorables où quand on a besoin de consulter les archives d'une banque, ça flambe. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Pas connaissance. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une enquête concernant le Crédit Lyonnais sur les deux incendies qu'il y a eu? Et ils ont refait des travaux fantastiques. C'est aussi pris sur le capital de la banque dont l'État est actionnaire. Alors évidemment, au milieu de tous ces milliards, eux, tous ces gens-là, ils nagent. Nous, pauvres couillons, quand on voit une banque qui s'écroule et vous avez laissé votre compte en banque et qu'on vous ferme les guichets, ça laisse amer. Hein. Il y a des systèmes qu'il faudrait peut-être changer. Je voulais profiter que j'ai le micro pour remercier de m'avoir donné la parole. Je pense qu'il faut intensifier très fortement et aider que ce mouvement, c'est le mouvement idéal où on peut aller dire, ils veulent pas m'entendre, je viens là, venez tous pour m'écouter. C'est dommage, j'aurais préféré avoir beaucoup plus de monde et des gens qui puissent poser des questions et qui puissent... Je sais que les jeunes, ça les intéresse surtout que j'ai été dans le showbiz. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on communique que la démocratie est en danger. Et que moi, malheureusement, j'ai eu un avant-goût et très amer de cette démocratie qui, pour moi, pourtant, la France, c'était quelque chose dont vous n'avez pas idée. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur la question qui était donc... Voilà, sortir notre argent des banques ou tout transférer vers des banques plus proches de notre vision de la société, est-ce une action qui aurait du poids pour se faire entendre ou bien est-ce trop risqué pour les structures de nos sociétés dont on ne souhaite pas non plus le chaos? Oui, une... D'abord, est-ce que... Enfin, dans la question, il y a on ne souhaite pas le chaos des structures actuelles. Donc on part sur une base qui est pas forcément partagée. Et ensuite, par rapport à est-ce que c'est un moyen d'action, moi je pense que ce qu'on fait avec notre argent, c'est le premier moyen d'expression dans notre système. Beaucoup plus que toutes les actions démocratiques, que toutes les conversations qu'on peut avoir. On est dans un système capitaliste, donc chacun d'entre nous est un atome économique fondamental de ce système. Donc où est-ce qu'on décide? On a trois moyens d'expression, à mon sens. On a la démocratie, et ensuite en tant qu'atome économique, on a où est-ce qu'on prend notre argent et où est-ce qu'on décide de le dépenser. Donc quand on prend l'argent quelque part, pour la plupart d'entre nous, c'est en travaillant pour une personne, donc le choix de la structure pour laquelle on décide de travailler, le projet pour lequel on décide de travailler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Donc c'est ce qu'on dépense et où est-ce qu'on le place. Donc oui, évidemment, soutenir des structures comme le Crédit Coopératif ou la Nef, en tout cas, même si ça va, s'il y a un mouvement important de personnes qui font ça, au moins ça passe un message et ça soutient une autre économie. Après, retirer l'argent complètement des banques pour les couler, effectivement, donc il n'y a pas de précédent par rapport à ça. Je pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais en tout cas, la prise de conscience que on est des atomes économiques et que on a une responsabilité par rapport à ça, c'est fondamental. Oui, est-ce que quelqu'un peut repartir sur cette idée? Finalement, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas le chaos? Est-ce qu'on veut que les institutions restent telles quelles ou pas? Parce que ça peut être... en effet, c'était sous-entendu dans la question que quand même on ne voudrait pas le chaos, mais peut-être qu'il y en a qui considèrent que c'est pas le cas pour eux. Sur la question du chaos, je me souviens d'une discussion entre Johan Chomsky, qui est partisan de l'anarcho-syndicalisme, et le français... et un philosophe français dont j'oublie le nom, ce que disait le philosophe français dont malheureusement j'oublie le nom, qui a écrit sur la société du contrôle, qui était médecin neurologue, je crois, hein? Oui, Foucault, voilà. Et donc Foucault disait, moi, je, il est contre la table rase, c'est-à-dire qu'il préfère améliorer un système plutôt que renverser la table et recommencer de façon ex nihilo, en disant que finalement, si on faisait ça, eh ben, il y aurait un risque qu'on reproduise finalement que le système de domination se reproduise à l'intérieur de ce chaos. Alors moi, je suis d'accord avec Foucault, je pense qu'il vaut mieux ne pas chercher le chaos et chercher dans le système actuel, garder ce qui marche et améliorer ce qui ne marche pas. Mais l'idée de tout casser pour tout reconstruire, ça me fait très peur. Je n'y crois pas. Sur cette question, moi, je suis assez partisane en général. C'est-à-dire, je n'opposerais pas forcément améliorer le système et chercher le chaos, parce que réellement, je ne me situe pas dans quelque chose comme améliorer le système. Je voudrais vraiment un autre système. Et par contre, la question qui se pose pour moi, c'est comment on passe à cet autre système ? Est-ce qu'on y passe par le chaos ou par des transformations successives et qui finissent par être tellement radicales qu'on va vers complètement autre chose ? Et clairement, là où je me situe moi, c'est que je veux complètement autre chose. Je veux pas une république légèrement améliorée pour qu'on ait un tout petit peu plus à dire. Pour moi, ça va pas, quoi. Il y a trop de trucs structurels qui marchent pas et ça irait pas à me satisfaire. Mais néanmoins, et c'est pour ça que j'opposerais pas les deux, j'imagine pas un passage par le chaos pour les arguments qui ont déjà été dits, parce que je crois que dans le chaos, ce qui se reproduit, c'est le rapport de force, et ceux qui ont la force juste avant, c'est les mêmes, et du coup, on va reproduire un truc injuste, et c'est merdique, et parce que je crois que ceux qui souffrent le plus au moment de ce chaos, c'est comme quand on dit, non mais ça, il faut la politique du pire et là, les gens se rendront compte, j'y crois pas, parce que je crois que ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui sont les plus fragiles. À ce moment-là, ceux qui sont déjà dans des grandes précarités, et eux, ils se prennent tout ça dans la figure, et on n'est pas tout à fait sûr qu'après, ça se mette à aller mieux spontanément. Et que du coup, sur cette question du chaos, enfin voilà, que j'opposerais pas les deux, nécessairement améliorer un peu ou le chaos. Moi, je veux une transformation radicale, mais je me pose la question du chemin, de comment construire complètement autre chose, radicalement autre chose, mais à l'intérieur de ce qui existe. Et je sais pas ce que c'est que le moment de la bascule, en fait. On l'a pas encore trouvé. Quand est-ce que ça bascule et comment on fait pour que ça bascule en passant pas par un chaos qui va revenir au rapport de force. Et voilà, dans la question. Non, moi, t'as un petit peu dit ce que j'avais envie de dire. Et sur la question du chaos, au final, c'est la perte de contrôle. Donc déjà, c'est dur de définir un projet pour ce qu'on veut après. Si on décide de passer par le chaos pour construire quelque chose sur des nouvelles bases, alors que on décide de passer par une perte totale de contrôle, c'est le risque de pas voir ce projet se réaliser et d'être passé par cette souffrance pour rien du tout, quoi. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir à la suite de ça ? Est-ce qu'on passe à... Alors, ouais, on va passer à la question d'après. Je rappelle je dis à ceux qui viennent d'arriver la façon dont ça se passe actuellement avant l'intervention d'après. Là, en fait, il y a des gens qui nous ont donné des questions et donc on pose des questions tous ensemble et on essaie d'y répondre ensemble. Voilà. Il n'y a pas d'experts invités pour y répondre. On est tous là dans le débat. On considère qu'on peut y répondre ensemble dans le débat. Donc je vous invite pour que tout le monde vienne vous rapprocher au maximum et vous asseoir aussi si c'est possible, mais vraiment rapprochez-vous le plus possible. Donc je passe à la question d'après. Alors, elle va peut-être inspirer du monde. Comment lutter contre les théories conspirationnistes, y compris à Nuit Debout ? Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on traite cette question ? Qui ne souhaite pas qu'on la traite ? Hein ? Est-ce que qui souhaite vraiment qu'on la traite ? Bon, on va dire que un vote contre, zéro vote pour. Alors, je passe à celle d'après. Il y a actuellement l'excès d'organisation d'une primaire pour un candidat de la société civile en vue des présidentielles 2017. Serait-il bien qu'un de ses organisateurs vienne en parler ? Donc ici, ça veut dire, la question. Vienne en parler à Debout Éducation Populaire. Alors là, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que quelqu'un qui représente justement... qui s'occupe de l'organisation des primaires intervienne ici dans ce cadre-là. Qu'en pensez-vous ? Comment ça se passe d'habitude quand les gens viennent parler ? Ils proposent eux-mêmes de venir ? Ils sont invités ? Qu'est-ce qui se passe d'habitude ? Alors ça dépend, il y a plusieurs possibilités. La plupart des fois, c'est que les personnes viennent ou qu'elles nous envoient un mail pour intervenir. Il y a aussi des fois, du coup, quand on rencontre des personnes à l'extérieur par le bouche à oreille, elles viennent aussi à travers ça. Donc là, en effet, c'est aussi la question, est-ce que... Mais c'est bien, c'est une question de l'organisation et c'est très bien qu'on la pose tous ensemble. Est-ce que dans l'organisation de l'éducation populaire, on serait légitime d'appeler quelqu'un à intervenir? Alors moi je suis tout à fait pour le fait de faire appel à des structures extérieures déjà existantes. Parce que oui, on est là pour proposer une alternative et pour discuter. C'est pas une raison pour ne pas capitaliser sur ce qui a déjà été fait en fait. Et d'ailleurs, c'était une des critiques que j'entends à l'extérieur du mouvement, c'est que on est en train d'essayer de réinventer la roue sans prendre en considération, sans se servir en fait des travaux de, par exemple, d'associations qui ont travaillé pendant 30 ans sur un même sujet. Donc, lancer des câbles vers des extérieurs, tout à fait. En fait, je crois que c'est en lien avec la question d'avant, l'aspect conspirationniste à nu debout. Et alors, oui. Je pense qu'aucun sujet ne doit être interdit et je pense que tout doit être possible d'être traité. Ce que je trouve intéressant par rapport au rapport entre le concept de primaire et Nuit Debout, c'est qu'en fait, Nuit Debout porte une innovation majeure qui rejette complètement l'idée du messianisme, du héros, du libérateur. C'est-à-dire que le concept Nuit Debout, en fait, ce sont des citoyens qui proposent des idées à d'autres citoyens. Et puis il y a des idées qui font consensus, mais il n'y a pas de représentants. C'est-à-dire que le concept de prophète, de chef, ça n'existe pas. On a complètement, tel que moi je le ressens ici, on a complètement évacué cette vision messianique du monde, prophétique. D'ailleurs, c'est une foule. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'idéologue, il n'y a pas d'intellectuel, etc., etc. Voilà, donc le concept de primaire est vraiment, si on le met en relation avec Nuit Debout, ça peut être intéressant, justement parce que Nuit Debout conteste radicalement cette idée qu'il y aurait une personne qui devrait finalement prendre le pouvoir sur les autres. Oui, d'autres interventions là-dessus sur finalement le concept de primaire à Nuit Debout? Qu'est-ce que, pour rappeler un petit peu le format, là, en fait, il y a des questions qui nous ont été posées, donc là, on les traite tous ensemble. Et donc là, du coup, on est parti sur, est-ce que le concept de primaire à Nuit Debout est envisageable, déjà, avant réalisable? Juste, sur inviter quelqu'un pour en parler, pourquoi pas, parce que c'est toujours intéressant de parler de marches qui existent, mais... Je suis un peu sceptique sur cette idée d'une primaire citoyenne. J'ai l'impression que dans le système d'élection et de vote, ce qui marche pas, c'est que soit les candidats sont en dehors du système, ils passent pas une certaine barre, soit ils rentrent dans le système, il y a une forme de corruption interne. C'est-à-dire que c'est pas possible de monter sans prendre cette corruption. Je me demande si c'est possible de garder cette dynamique collective et les différentes idées qui émergent, tout en passant par une primaire à l'intérieur du système électoral. Mais enfin, ça change rien à la question, est-ce qu'il faut inviter, quoi, parce que c'est intéressant d'inviter et d'en parler et de se faire l'idée. Mais sur le rapport entre une primaire et Nuit Debout, par contre, voilà. Alors moi, par rapport à la question de la primaire et de Nuit Debout, je pense que c'est un moyen d'expression comme un autre. Donc est-ce qu'on doit ne pas se servir de certains moyens d'expression? C'est clair que ça peut pas être notre seul objectif. On peut pas se rassembler uniquement autour d'une primaire, mais ça peut être l'un des moyens d'expression. Bonjour. Moi, il me semble que l'idée de primaire, ça fait allusion plutôt aux primaires politiques telles qu'on les connaît là, c'est-à-dire des... Oui. Je pense que... Oui, c'est bon. dans le concept de primaire, ça fait allusion, me semble-t-il, à l'aspect de, d'une constitution politique dans lequel, en fait, il faut trouver un candidat pour une élection. Enfin, on pense aux primaires pour les présidents de la République, aux États-Unis ou même en France, à la limite. Ça suppose encore, comme disait monsieur, qu'on va effectivement passer par un individu à un moment donné. Voilà. Et je pense que ça vient aussi du fait que la Constitution, si bien en France, enfin, je parle pour la France, hein, la Constitution française, elle est fondée sur cette idée qu'il faut absolument un président, par exemple, de la République et qui dirige l'ensemble du pays, et même s'il y a des députés ou des sénateurs. Et en fait, le président a des pouvoirs extraordinaires. Donc je pense que ça vient de là, le fait qu'on parle de primaire. Alors il me semble que primaire avec Nuit Debout, ça ne va pas tout à fait ensemble, me semble-t-il. Parce qu'à un moment donné, on risque d'avoir, en fait, des individus qui vont se détacher, forcément. Hein. Est-ce que des personnes qui ne sont pas encore intervenues souhaitent répondre là-dessus ? Non ? Tu avais un... Donc, moi, par rapport au fait qu'on peut pas avoir un candidat sur une primaire qui, enfin, ce que disait la dame, je pense que on a aussi d'autres moyens. Enfin, il y a des solutions qui permettent d'insérer une façon différente de contrôler nos élus. Je pense à des idées comme l'application, enfin le site qui s'appelle Bastille, où en fait le candidat, on lui soumet le candidat élu par les personnes qui ont décidé de voter pour lui par l'application Bastille, s'engage en fait à soumettre toutes ses idées, toutes les choses pour lesquelles il va voter sur Bastille et de faire voter toutes les personnes qui ont voté pour lui originellement. Et il y a aussi proche des systèmes de démocratie liquide où en fait on peut décider de donner notre voix à n'importe quelle personne qui va nous représenter. Donc pourquoi pas sur une primaire à voter pour le candidat qui nous dira mais je vous soumettrai en fait tous les votes que je vais faire pendant mon mandat. Et je ferai ce que vous me direz. Oui, c'était pour rebondir sur quelque chose qui précédait, notamment quand tu disais pourquoi se priver de ce moyen d'action, ce qui semble un argument pertinent, quoi. Du coup, ça n'empêche pas d'en avoir d'autres. Et en même temps, dans l'absolu, je crois qu'il faut se méfier de ce qui réquisitionne l'énergie, c'est-à-dire qu'on a toujours une quantité totale d'énergie qui n'est pas infinie. Et que notamment l'élection et les campagnes, c'est quelque chose qui réquisitionne une énergie de malade et qui peut très vite orienter l'ensemble d'un mouvement et l'ensemble des forces qui s'y jouent. Moi, c'est plus là-dessus que je dirais que j'aurais envie d'avoir une vigilance. C'est-à-dire le fait en soi d'avoir quelque chose à dire dans une primaire, c'est pas si grave, mais c'est la quantité d'engagement qu'on y met et que du coup, on met plus à réfléchir à autre chose et à construire ailleurs. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question ? Non ? On va passer à la question d'après. Alors je voulais vous proposer à l'un ou à l'autre, comme vous avez pas mal intervenu, si vous voulez poser la question d'après et faire le modérateur de la question d'après. Ok ? Alors, il reste ces deux-là, donc tu choisis celle que tu veux en premier et puis... Donc alors la question c'est que fait l'armée française en Afrique ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Sinon, la deuxième question, c'est un revenu égal et juste, salaire, entre parenthèses, salaire, retraite, refonte des prestations sociales. Donc un revenu égal et juste pour tous, qu'en pensez-vous ? Je lance les propositions d'intervention. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu là-dedans, c'est de mettre égal et juste. En fait, je pense qu'il faudrait définir égal et juste. Alors, je vais pas avoir la prétention de le faire parce que ça me semble assez difficile. Mais juste, moi je vais dire en fait la façon dont je l'entends un petit peu, et puis comme ça, si vous n'êtes pas d'accord avec vous, ce sera mieux, comme ça je pourrais mieux le définir. Juste pour moi, c'est au regard d'une norme ou d'une loi qui est déjà établie, alors que égal, ce serait tous pareil. Donc il y a quelque part peut-être une antinomie entre les deux, enfin je sais pas. Je lance le débat là-dessus, est-ce que égal et juste, ça peut aller ensemble, ou est-ce que c'est pas déjà l'un n'exclut pas l'autre, peut-être d'une certaine façon? Bon, ça fonctionne, hein, c'est bon. Donc moi, ce que je voulais aborder là-dedans, égal et juste, hein, c'est par exemple, je travaille dans le privé, et on s'aperçoit que les... Le micro beaucoup plus près de la bouche. Ah bon ? Ça devrait le faire vraiment quasiment comme si c'était collé. Comme ça, d'accord. Bon. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je travaille dans le privé, et on s'est aperçu qu'effectivement, que dans les salaires du privé, et par exemple, de ce qu'on appelle la fonction publique, il y a une différence. Donc moi je vois dans égal et juste, moi je dirais que à même profession, pourquoi pas un même salaire. Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est dans la question, mais moi j'entends quelque chose comme un revenu de base derrière. C'est-à-dire qu'il y a un revenu de base pour tout le monde qui exclut pas que par le travail on gagne plus. Ce qui est un des moteurs voilà, de l'économie dans laquelle on vit, et probablement même de beaucoup de systèmes économiques, mais d'avoir déjà un premier salaire à vie égal et qui permette à tout le monde de vivre décemment, y compris si une personne décide pendant un an de faire que du bénévolat, de s'occuper de ses enfants. Enfin, j'ai l'impression d'entendre dans cette question la proposition du revenu de base, qui sans doute effectivement libérerait beaucoup beaucoup de forces différentes pour créer du changement par ailleurs. La mise en relation avec le revenu et les concepts d'égalité et de justice est très intéressant. Et dans l'idée du revenu de base, justement, la force de cette idée, me semble-t-il, c'est qu'il arrive à harmoniser à la fois l'égalité, dans le sens où tout le monde aura droit au même montant, et en même temps au principe de justice et d'équité, parce que ceux qui voudront travailler, en fait, auront un complément. Donc du coup, il y a à la fois l'égalité et à la fois l'équité. Maintenant, sur la question de la justice, là, effectivement, ça nous renvoie à des questions morales, le juste et l'injuste, l'harmonie, le bien, le mal. Là, on rentre dans des discussions d'ordre plutôt métaphysique et moral. Et pour ce qui me concerne, je pense que le revenu juste... doit justement reposer sur la valeur d'égalité. Moi, je suis pour la valeur d'égalité. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de cultures qui sont contre la valeur d'égalité, qui considèrent que dans la vie, il y a des gens qui ont la grâce et d'autres qui ne l'ont pas, qui sont damnés. Il y a des gens qui considèrent que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ce sont des valeurs que je respecte parfaitement. Et le défi, c'est justement de trouver un modèle de revenu qui permette d'harmoniser ces deux valeurs. D'un côté, la valeur travail, et de l'autre, la valeur temps libre. D'un côté, et donc je pense que l'idée du revenu de base permet à chacun de trouver sa place dans la société, et tout en ayant un principe de justice dans lequel plusieurs systèmes de valeurs peuvent cohabiter. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que c'est que le revenu de base ? Je peux essayer en tout cas. Je sais qu'il existe plusieurs versions, donc je prétends pas parler de tout ce que les gens appellent revenu de base ou revenu minimum garanti. Ce que j'en connais, c'est l'idée que chaque personne, de la naissance à la mort ou d'un certain âge à la mort, et avoir avec différentes conditions d'appartenance, en tout cas à un corps social, mais qui est plein de points d'interrogation là aussi, reçoivent chaque mois un revenu minimal qui ne soit pas dépendant de « je vais pointer à telle administration sociale pour dire que j'en ai besoin ». C'est-à-dire qu'on reçoive de toute manière, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Ce qui est du coup différent du RSA actuel, puisqu'on ne le perd pas si on se met à travailler. Donc il n'y a pas ces effets de seuil où quelqu'un se met à travailler et on dit « ah, mais il gagne presque pas plus ». qui n'engendre pas non plus cette espèce d'humiliation permanente de la réception de certaines prestations sociales qui sont conditionnées à un certain nombre d'attitudes et de pointages, et qui permettent de vivre suffisamment et qui soit financé par un impôt, alors dans le modèle que je connais et qui fonctionne et qui est voilà ratifié par un certain nombre d'économistes, ça implique également une refonte de l'impôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tas d'impôts différents, ce soit refondu en un impôt plutôt sur la consommation, qui est donc pas un impôt régressif, hein, contrairement à l'impôt sur le revenu, mais comme il y a ce revenu de base, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que tout le monde a quand même un minimum. Et ensuite, selon la quantité de travail salarié ou rémunéré qu'on fournit, eh ben, on a beaucoup plus, un peu plus. On vit quand même dans des sociétés où il y a plein de choses à acheter. Donc, a priori, les gens ont toujours cette motivation extérieure à aller travailler pour gagner plus, mais qui n'est pas une obligation et qui libère notamment un certain nombre de forces et qui ne fait plus peser la menace de l'exclusion sur leur travail. Et donc l'idée derrière, c'est de rétablir les rapports de force sociaux, puisque perdre son travail, bien sûr, ce serait grave, ça veut dire gagner moins, ça veut dire perdre un niveau de vie, mais c'est plus le risque d'être totalement exclu de la société. Donc il y a un terme de rapport de force qui change, et puis de possibilités de création d'autres modes de vie, qui souvent sont des processus dans lesquels en fait il y a des phases de transition où c'est très très compliqué. Soit on passe son temps à gagner sa vie et on n'a pas le temps de créer autre chose, soit on arrête de gagner sa vie et on n'a plus de quoi survivre. Et donc voilà, ça fait basculer un certain nombre de situations comme ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ferait à la fois une société plus juste et qui ouvrirait d'autres possibilités. Et je ne sais pas si je fais partie de ces gens, puisque j'en dis beaucoup de bien, je peux dire aussi ce qui, chez moi, suscite des doutes, c'est que du coup, ça fait une société encore plus dépendante de l'État, parce que c'est l'État qui centralise tout ça et qui redistribue. Donc, pour moi, il y a un côté comme ça, un peu paternaliste de la structure étatique très forte, qui me gêne, dont je ne suis pas sûre de ce que ça engendrerait comme société. Et en tout cas, chez moi, c'est ça qui suscite des doutes. Moi, je vais me permettre de juste, répondre à ça par rapport au revenu de base. C'est pas uniquement une idée qui plaît aux personnes qui veulent donner du pouvoir à tout le monde, qui veulent plus de redistribution. Le revenu de base, qui est où on fait la différence par rapport au revenu d'existence. Il y a aussi la possibilité de limiter en fait les aides sociales qu'ils vont donner. C'est-à-dire qu'un revenu de base à 500 euros, c'est pas la même chose qu'un revenu d'existence à 1200 euros. C'est pour ça que il faut faire attention avec le concept de revenu de base dans le sens où ça peut être utilisé aussi comme un moyen de ramener des voix, de mettre le peuple ensemble, alors que c'est pas forcément l'objectif auquel on s'attend. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question sur qui du coup a un peu dévié sur le revenu de base? Excusez-moi, je ne cherche pas à répondre. Vous parlez tous très bien, vous avez de très bonnes idées. Mais comment, économiquement, vous rémunérez, vous donnez la possibilité de donner à tout le monde ce revenu de base? Comment, économiquement, vous résolvez le problème, s'il vous plaît? Je crois que la réponse très claire par les calculs économiques, c'est que c'est possible, c'est que le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si on le veut ou pas. Mais les économies à la fois en administration sociale, en aide sociale, en refonte de l'impôt rendent ça possible. Et ça, je suis même pas la capacité de vous faire les calculs ici, mais si vous cherchez, genre par internet, en allant dans les bibliothèques, les calculs ils existent par des économistes hyper sérieux. Voilà, c'est possible. Ça implique une refonte de l'impôt qui va avec ce revenu d'existence garanti, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Mais possible, c'est pas un problème. Après, on peut se demander si on veut, en tant que collectivité. Mais voilà, je vous invite à chercher. Ah, mais les gens continuent à travailler, hein. L'idée, c'est pas que tout le monde s'arrête de travailler. C'est qu'une partie du revenu est garantie. Euh, Du coup, moi, j'ai, enfin, juste un ou deux éléments sur le financement, mais voilà quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Bon, d'une part, il y a beaucoup d'économies qui peuvent se faire juste en, effectivement, l'économie d'échelle. Si on a un revenu qui est le même, il n'y a plus besoin d'une usine à gaz effroyable pour redistribuer des allocations hyper fines, hyper granulaires. On dit juste, c'est la même chose pour tout le monde. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête ? D'une manière plus générale, on vit dans une société où il y a de plus en plus d'automatisation. En théorie, on aurait dû pouvoir réduire le temps de travail depuis longtemps. Et en fait, on le fait pas. Et on continue à avoir de plus en plus de travaux qui servent à rien, juste pour financer la consommation des gens. C'est pas génial. De toute manière, en fait, ça pourrait aller dans aussi la direction d'une réduction du temps de travail. Et quelque part, les deux sont assez complémentaires. Et le dernier truc auquel je pensais, je l'ai oublié, c'était... au niveau de l'impôt, on évoquait tout... ce qui était basé sur un impôt à la consommation. Donc en gros, les économistes, ils avaient lu plusieurs schémas pour arriver au financement possible. Et un des schémas possibles, c'est en gros une grosse TVA qui serait affectée à ça. Donc c'est un impôt sur la consommation, ça veut dire que vraiment ça passe sur tout ce qui s'échange. Donc c'est très très très très vaste, mais l'avantage c'est que c'est relativement facile à prélever. On le fait déjà aujourd'hui et tout, donc ça se gère assez bien. Et puis, alors c'est vrai que c'est pas progressif, ça dépend pas des revenus, mais en même temps, comme tout le monde a le même revenu de base, à la base, ça se fait... Il y a une certaine justice dedans, quoi. Et du coup, en fait, c'est relativement simple de faire les calculs en disant, bah voilà, on veut donner à tous les consommateurs le même revenu de base. Tous les consommateurs y consomment. Bon, bah voilà, de combien il faut que la TVA soit pour avoir ce revenu-là. Et en gros, ça se joue. Et c'est seulement un des schémas possibles. Il y en a aussi d'autres. Alors, moi je serais... Oui ? Oui, alors, moi, je serais un petit peu en porte-à-faux avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que si le revenu de base était mis en place, en fait, il y aurait plus de... On sortirait du consumérisme. Donc, il y aurait plus de consommation telle qu'on la vit aujourd'hui. Pourquoi ? Je m'explique. Moi, le mode de financement qui me paraît le plus intéressant du revenu de base, c'est celui qui se base sur les gains de productivité, de la numérisation, de l'informatisation, de la robotisation, de l'économie. En somme, selon les études... actuel du MIT, dans les 20 prochaines années, plus de 50% des emplois vont être automatisés. Donc il va y avoir un chômage considérable. Et la question qui se pose, c'est qui va bénéficier des gains de productivité rendus possibles par l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'informatisation, la numérisation, l'ubérisation, etc., etc. Soit ça va être quelques multinationales, donc on rentre dans une société anarcho-capitaliste. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura plus d'État, il y aura des multinationales qui vont dominer le monde et qui vont absorber tous les gains de productivité. Ou alors, on va justement utiliser tous ces gains de productivité pour financer précisément un revenu de base. Mais à partir de là, le monde change, on sort du consumérisme. Parce qu'à partir du moment où vous avez un revenu de base, donc du coup, il n'y a plus de crise du logement. Les gens n'ont plus de raison de venir s'agglutiner dans les grandes villes. Parce que s'ils viennent dans les grandes villes, c'est pour trouver un travail. S'ils veulent un travail, c'est pour payer leur loyer. Mais s'ils ont un revenu de base, les gens vont rester là où ils sont. Donc déjà, ça règle le problème de la crise du logement. On sort du consumérisme. Il n'y a plus besoin de... La machine économique ne repose plus sur l'obsolescence programmée et sur l'argent-dette. Parce qu'on n'a plus besoin de consommer pour faire marcher la machine. Donc on change complètement de monde. Donc moi, pour le financement... D'ailleurs, le revenu de base, il y a une votation en Suisse le 5 juin, là. Et en Finlande, je crois que ça démarre en 2016. Donc moi, je suis pas un spécialiste, mais si ça se fait en Europe, c'est qu'il y a de toute façon des solutions de financement. Alors, moi, j'ai entendu ces questions que je trouve très pertinentes, mais je crois que tout ça, ça existe. C'est simplement injuste, mais ça existe. Le SMIG, le minimum vital, tout ça, ça a été créé. C'est une forme, tout simplement, est-ce que vous, si vous voulez devenir ingénieur, vous allez accepter de toucher des haricots ? Voilà, tout le problème est là, il y a une hiérarchie, c'est tout. Mais tout existe. Tout a été créé dans ce sens. Et très souvent, c'est ignoble pour certains. Moi, je le reconnais, mais c'est là qu'est le problème. Mais vous verrez que si un jour ça existe, il y aura quand même des paliers. Je crois qu'il y a un petit mélange dans le revenu de base, c'est juste... Si les gens plus, ils peuvent en plus travailler. Du coup, si un ingénieur il va vouloir gagner plus, enfin, il y aura toujours cette différence. On pourra toujours maintenir cette différence, mais juste il y aura pour tout le monde le même. Non. Bon. Oui, moi je vais attirer l'attention sur les dangers du salaire universel. Il y a les salaires universels, il n'y a pas de salaire de base comme beaucoup disent. Il y a un salaire universel, défendu par la droite surtout. Il y a un travail sur un salaire à vie qui est travaillé et n'est pas encore fini par les syndicats. Alors le salaire universel, c'est un piège. C'est un salaire pour tout le monde, dont les bourgeois, qui sera très facilement financé parce qu'il va être repris dans les impôts. Alors, les SMIC, les RMI ou bien les RSA, sera plus égalitaire dans ce sens. Il faut faire très attention parce qu'il est défendu par un sarkozyste qui était conseiller de Sarkozy et par Macron. Alors, l'idée, c'est de finir avec l'aide sociale en général, ça veut dire le logement, les transports. Les RMI est plus égalitaire dans ce sens. Alors, il y a l'autre idée, c'est le salaire à vie qui est en train d'être travaillé. Ça peut être une proposition plus intéressante, vu qu'il y a l'automatisation des travaux dans le futur. Voilà. Alors juste, est-ce que les personnes qui sont au fond et qui ont l'air très intéressées par ce débat pourraient venir un petit peu s'asseoir, et pour les personnes qui veulent prendre la parole, si monsieur voulait prendre la parole, est-ce que vous voulez venir ici et parler à l'Assemblée? Oui, juste, bon, c'est bon. Je pense que le revenu de base, enfin la réflexion autour du revenu de base ou qu'on le si ou autrement importante, mais qu'elle doit être prise dans une réflexion d'ensemble à multiples dimensions. C'est pas la peine d'attendre d'une seule mesure par exemple la fin du consumérisme, je n'y crois pas. Ça peut porter un coup. Mais il faut un ensemble de mesures. Peut-être que la réflexion sur le revenu de base est inséparable d'une réflexion sur ce que j'appellerais, excusez-moi, le revenu de cime, c'est-à-dire le revenu maximum. Voilà, et je voulais dire aussi simplement, je crois que cette discussion n'est pas seulement économique, loin de là. Elle est certes politique, mais elle devrait être de façon ouverte à tous. Philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie au fond un salaire de base. C'est une conception des hommes et des femmes, évidemment, et cette conception, il faudrait la creuser. C'est pas moi qui vais la creuser ici, mais il faudrait la creuser. Bon, je sais pas, une objection banale et ordurière, c'est de dire que les gens sont des fainéants, enfin qu'il y a une tendance à la fainéantise quasi inné. Enfin, voilà, il y a une réflexion à faire aussi à ce niveau-là. Oui. Jusqu'à présent, ce qu'on envisage est dans le cadre du capitalisme existant. Si les Finlandais l'envisagent, si les Suisses l'envisagent, c'est pour que ça reste dans le cadre de la logique capitaliste et que ce soit rentable. Donc, en général, c'est on va baisser une série d'allocations, on va faire un truc égalitaire, très bas. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que l'objectif n'est pas justement de ne pas faire dans ce sort d'égalitaire bourgeois où c'est, si on dit à tout le monde égal, on tient plus compte du fait que quelqu'un a deux enfants, a plus d'enfants, a plus de besoins? Je crois que si on doit se donner un objectif, et c'est une des tâche principale de ce mouvement, c'est savoir où on va, quel est l'objectif vers lequel on va du point de vue économique, c'est la fin du capitalisme. Et la fin du capitalisme, c'est pas tout le monde avec un salaire très bas et maintenir le champ de travailler pour gagner plus ou pour pouvoir vivre plus ou moins bien, il faut travailler. L'objectif, c'est à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités. C'est ça le vieil objectif. C'est la fin du salariat, c'est la fin de, pour vivre ou pour manger, on soit obligé de vendre sa force de travail, d'être une marchandise. On parle de consumérisme, mais surtout, c'est surtout la marchandise force de travail qu'il s'agit d'éliminer. C'est l'échange lui-même qu'il s'agit d'éliminer. C'est l'argent qu'on vise à faire disparaître. Ici, c'est une façon, d'un côté, de faire des économies pour le système, et d'un autre côté, de maintenir le capitalisme ou essayer de le maintenir avec une façon, avec un peu d'huile. Je pense qu'il faut, si on a les moyens de changer quelque chose et si on a quelque chose à revendiquer, c'est qu'on puisse donner à chacun selon ses besoins et qu'on demande à chacun selon ses capacités. On le voit aujourd'hui, ça existe. Si vous voulez voir un modèle, on dit c'est pas possible, l'homme ne fera jamais ça. Regardez Wikipédia. Regardez déjà ce que les pratiques qui ont été permises par les nouvelles technologies, dont les logiciels libres, mais en pratique, il y a Wikipédia. Chacun prend comme il veut, chacun participe comme il veut. C'est à ça qu'on doit viser. On a parlé des technologies. Bien sûr, il y a un énorme développement et on prévoit qu'avec le machinisme et l'automatisation, on aura des moyens extraordinaires. Et s'il faut donner un objectif à ça, c'est pas pour augmenter les salaires ou quoi, c'est pour réaliser le vieil objectif à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités. Oui, effectivement, ben, je rejoins ce que tu dis. C'est au fond une des raisons pour lesquelles cette mesure, elle peut paraître insuffisante, voire même choquée. C'est une des raisons aussi pour lesquelles elle est reprise par des gens de droite, par des libertariens, etc. C'est parce que, mais évidemment, il ne faut pas tout attendre d'une mesure, mais c'est parce qu'elle laisse complètement intouchée la question du capital. Au fond, on donne la même chose à tout le monde, de manière abstraite, ça paraît très bien, mais c'est choquant dans la mesure où on donne la même chose à celui qui possède des millions en Suisse, par exemple, où ils vont établir le salaire de base, et qui n'a rien. Et au fond, je suis d'accord. Que ça peut éventuellement être une solution si on remet aussi en cause tous les mécanismes de l'héritage, tous les mécanismes de l'appropriation et de l'accumulation des richesses, etc. Donc évidemment, on ne doit pas tout attendre du salaire de base ou du revenu universel. Enfin, il y a différentes gradations, je ne suis pas spécialiste. Mais il faut avant tout prendre conscience que ce qui bloque l'égalité entre les citoyens, c'est pas le mode de répartition des richesses, c'est le mode de production des richesses et le mode de financement de cette production des richesses. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur qui disait qu'effectivement le revenu de base devait être complété par d'autres mesures, et l'idée justement de limitation des revenus ou du patrimoine ou du capital individuel me paraît tout à fait essentielle. Et l'autre idée que vous avez avancée, que j'ai trouvée extrêmement pertinente, c'est par rapport à la question des valeurs, et notamment de la définition des rapports, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou qu'est-ce que l'homme, etc., etc. Et ce que je trouve très intéressant dans le revenu de base, c'est qu'il nous permet justement de changer de paradigme en termes de valeurs, et de sortir de la dialectique du maître et de l'esclave, et de la société de compétition et de rivalité mimétique, pour entrer dans une société où finalement, il n'y a plus de rapport de domination, puisque il n'y a plus d'enjeu, on sort de la compétition. Et donc je pense que même sur la question des droits des femmes ou sur la question du rapport entre les femmes, le revenu de base peut être une réponse, je dirais, en termes de macrocosme, de créer un nouveau macrocosme qui serait libéré des rapports de domination, et ça pourrait, je ne sais pas, en tout cas ouvrir le champ à un nouveau mode de rapport humain, quoi. Je voulais revenir sur la fameuse formule que vous avez rappelée, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités. Je crois que le second membre de cette formule justifie le premier, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, le second membre de cette formule renvoie à une vision des hommes et des femmes en termes de possibilités, de capacités, certes, sans doute inégales, mais on s'en fout, mais de capacités, même si elles sont minuscules, précieuses. Et je pense que ce second terme justifie le premier profondément et pourrait entraîner un tas de modifications, par exemple à propos de l'éducation, mais aussi des espaces à donner pour que les gens non seulement s'expriment, mais s'invente d'une façon ou d'une autre. Il y a, enfin voilà, je pense qu'il y a dans l'humanité des capacités innombrables qui sont écrasées effectivement par le système capitaliste. On va faire une dernière intervention. Très court et un peu pour aller dans le sens de ce qu'a dit le camarade tout à l'heure. Le capitalisme, si on le résume à le minimum de principes, c'est le salariat, c'est la façon dont on distribue la production aux producteurs. Et l'autre, le plus spécifique du capitalisme, c'est le profit. On ne produit que si ça profite au capital. Si ce n'est pas rentable pour le capital, on ne produit pas. Et qu'il y ait salaire minimum ou pas salaire minimum, salaire de base ou pas salaire de base, si ça ne rapporte pas tant pour cent à la banque au bout de tant de temps, on ne produit pas, même si les gens crèvent de faim, même si on est malheureux. Et en ce sens, si on veut véritablement changer, c'est d'abord et avant tout cela, le but de la production, s'emparer des moyens de production, prendre le contrôle de la production, pour produire en fonction exclusivement des besoins humains, et non pas de la rentabilité du capital. Et ça, le salaire de base ou le salaire de vie n'y touche pas. Et dans ce sens-là, je ne peux pas être d'accord. Pour répondre, moi je ne crois pas par exemple que le salaire de base il mettrait fin au consumérisme immédiatement, parce que je pense qu'il y a toujours de la production, que les gens voudraient toujours des choses, etc. Mais je pense que c'est une espèce de moyen, que ça rejoint la question qu'on se posait tout à l'heure sur le passage par le chaos. C'est-à-dire que si on veut aller vers quelque chose de complètement différent, moi je voudrais un système radicalement différent. Et je ne veux pas pour autant passer par une table rase, alors qu'est-ce que j'invente comme chemin qui permette d'aller vers autre chose? Et je crois que s'il est bien fait, ce revenu minimum garanti, il peut permettre de changer certains rapports de force, d'inventer autre chose, qu'il ne faut pas en attendre. C'est-à-dire qu'en soi, il ne va rien changer, quoi. Le monde d'après, ce sera le même avec un RSA qui fait vraiment ce qu'il prétend faire, et en un peu plus haut. Et que ça, en soi, ça ne va juste rien changer, sauf que ça permet de s'en servir pour même créer d'autres moyens de production, c'est-à-dire être dans une situation où on est un peu moins pris à la gorge et où c'est plus facile de recréer, de récupérer des moyens de production, des formes coopératives, enfin, toutes sortes de formes qu'on peut vouloir expérimenter et améliorer pour qu'elles mentent du système, contrairement à là où elles en sont aujourd'hui. Et pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il peut avoir une utilité, en fait, en tant que chemin qui permette d'aller vers autre chose à partir de là où on est. Mais... Alors je crois qu'on va passer à autre chose, mais juste une dernière chose. Au final, je pense que sur le revenu de base, c'est plus un outil qu'une solution et qu'on peut s'en servir comme on veut, quoi. Oui, alors merci vraiment à tous pour votre participation et merci aux modérateurs, bravo. C'était la première fois qu'on testait la boîte à questions, je trouve que ça a été vraiment super.